vie, il y avait du blanc, spirité robot, de rêver néant. Mais entre les deux, JP le vicieux. Il y a robot tout l'été. Mais c'est quoi cette bande de savoir? Tout avec leur tronche de fond. Ouais, comme j'ai l'aigné. Qui dit cette bande de tarés? On n'est pas chez AF, ici ça va déboîter.